En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille et même joyeux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. « Ma foi, monsieur, » me dit Ned Land, « votre capitaine Nemo, que le diable emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. »« Ah, dis-je, vous savez, n'en déplaise à monsieur, » répondit Conseil, « le commandant Nautilus nous a invités à visiter demain, en compagnie de monsieur, les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il l'a fait en termes excellents et s'est conduit en véritable gentleman. Il ne vous a donné aucun détail sur... Aucun, monsieur le naturaliste. Vous nous accompagnerez, n'est-il pas vrai ? Moi, sans doute. Je vois que vous y prenez goût, maître Land. Oui, c'est curieux, très curieux. Dangereux, peut-être, ajoutai-je d'un ton insinuant. Dangereux, répondit Ned Land. Une simple excursion sur un banc d'huîtres. Et le Canadien ajouta. Monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une perle ? Mon brave Ned, répondis-je, pour le poète, la perle est une larme de la mer. Pour les orientaux, c'est une goutte de rosée solidifiée. Pour les dames, c'est un bijou de forme oblongue, d'un éclat hyalin, d'une matière nacrée qu'elle porte au doigt, au cou ou à l'oreille. Pour les chimistes, c'est un mélange de phosphate et de carbonate de chaux avec un peu de gélatine. Et enfin, pour le naturaliste, c'est une simple sécrétion maladive de l'organe qui produit la nacre chez certains bivalves. Embrachement des mollusques, dit Conseil, classe des acéphales, ordre des testacés. Mais, ajouta Conseil, est-ce cette pêche de perles est dangereuse ? Non, répondit vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier, dit Ned Land, d'avaler quelques gorgées d'eau de mer ? Comme vous dites, Ned. À propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo. Est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned ? Moi ? Répondit le Canadien, un harponneur de profession. C'est mon métier de me moquer d'eux. Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales ? Moi, dit Conseil, je serai franc avec monsieur. À la bonne heure, pensais-je. Si monsieur affrontait les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui.